بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في شرح فضل رب البرية بشرح الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمة الله عليه بشرح فضيلة الشيخ علي ابن مختار الرملي حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toute personne qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, nous continuons dans le livre Fadlu Rabbi al-Bariya, qui est l'explication de Ad-Durar al-Bahiya de l'imam al-Shawkani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors nous nous basons sur l'explication du Cheikh Abul Hassan Ali ibn Mukhtar Ramli, qu'Allah lui préserve. Donc nous sommes toujours dans le chapitre Babu Kayfiyati Salah, comment faire la prière. Et nous avons vu les pliés de la prière dans le cours passé, et nous sommes rentrés dans le sunan de la prière que le cheikh il a mentionné, وهي الرفع في المواضع الأربع, le fait de lever les deux mains dans les quatre endroits. Quels sont ces quatre endroits? Non. Takbiratul ihram, ar-ruku, ar-rafu min ar-ruku, lorsqu'on revient du ruku, lorsqu'on se lève pour la troisième raka, barakallahu fik, wa dammu. Ad-dammu fait partie des sunan de la prière. Ad-dammu, le sens, c'est quoi? Le fait de mettre la main droite sur la main gauche. C'est une sunna dans la prière. Naam. Ensuite, at-tawajjuhu. At-tawajjuhu, c'est quoi? Dua ul istifta, l'invocation, istifta d'ouverture, c'est-à-dire l'invocation qu'on fait bada takbirat al-ihram, après le takbirat al-ihram, l'invocation qu'on fait, c'est ce qui est atawajjuh, c'est une sunna aussi dans la prière. Ensuite, nous nous sommes arrêtés sur cela. Si atawajjuh wa ta'awuz. Ata'awuz, c'est le fait de demander protection. Bien yaqul, qui dit a'ouzu billahi minash shaytanir rajim, c'est-à-dire lorsqu'il fait takbiratul ihram, le fait de dire a'ouzu billahi minash shaytanir rajim est une sunnah. Ce n'est pas une obligation. C'est une sunna. Bien avant de parler, de rentrer dans ce sujet, je rappelle que Ar-raf'u fi mawad al-arba, ce n'est pas le takbir, c'est le fait de lever les mains. C'est ce qui est sunna. Lakin takbir, le takbir, c'est ce qui se dit dans la bouche. Parce qu'on dit Allahu Akbar en levant la main. Dans le fait de lever les mains dans ces quatre endroits-là, c'est ce qui est sunna. Mais quand tu as prononcé même le takbir, c'est une obligation. Ça va? Et c'est le takbir à tout l'intiqal. C'est-à-dire, si une personne a dit Allahu Akbar, sans lever la main, alors sa prière est bonne. Est-ce que vous comprenez? Mais, non? Non, le takbir à tout l'ihram, non, c'est ce qui se dit dans la bouche. Mais le fait de soulever la main, lors de takbirat al-ihram, c'est une sunna. Ce qui se dit dans la bouche, pour rentrer dans la prière, c'est ce qui est le takbir. Maintenant, ar-raf'u, le fait de lever la main avec le takbir, c'est une sunna. Est-ce que vous comprenez? Tayyib. Donc, at-ta'awuz, le fait de dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim, c'est-à-dire je demande auprès d'Allah la protection contre le shaytan, ce qu'on appelle al-isti'aza qabla al-basmala, avant la basmala wa qira'at al-fatiha, et avant la lecture de la fatiha. Donc ici wa lam yasihhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas venu de façon authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lafzun khasun bis salati fi ta'awuz. Un lafz, c'est-à-dire une dua, un lafz qui est spécifique pour ce moment-là. Parce que le ta'awuz, on peut dire a'ouz billahi min ash-shaytan ar-rajim, on peut dire a'ouz billahi bi من الشيطان رجيم وهمزه ونفخه. On peut dire cela, car il y a plusieurs versions qui viennent, mais ce n'est pas venu de façon spécifique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait telle version, mais la plupart de ces versions sont authentiques. Mafoum? Donc ce qui dit, ce qui montre que al-amru wasi', quel que soit ce que tu utilises pour le ta'awuz, pour la demande de permission, yajouzou, c'est permis. Donc ici, wama lafzu alladhi dhakarnahu, quant au lafz que nous avons mentionné, qad saha an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ghayri salat, c'est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans autre que la prière. A'ouzou billahi min ash-shaytan ar-rajim. C'est venu dans autre que la prière. Ce qui veut dire qu'on peut le faire dans la prière comme on peut le faire dans autre que la prière. Mafoum? Wa isira, cette formule, qala biha aktharu ahlul ilmi. Beaucoup de savants ont donné cette formule qu'on vient de voir. C'est-à-dire, après le takbiratul ihram, tu dis a'udhu. Après le istiftah, tu dis maintenant a'ouzou billahi minash shaytan rajim. Parce que c'est après la dua l'istiftah que tu dis a'ouzou billahi minash shaytan rajim. Parce que tu dis maintenant a'ouzou billahi minash shaytan rajim li qira'at al-Qur'an. Parce qu'elle a dit wa idha quri'a al-Qur'an fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'iz billah. Si tu lis le Qur'an, tu dois demander la protection d'Allah. Donc c'est avant la lecture de la sourate al-Fatiha, pas avant du'atu istiftah. Est-ce que vous comprenez? Wal isti'azatu mustahabbatun 'inda al-qira'ah. La demande de protection est mustahab, c'est-à-dire recommandée lorsqu'on veut lire. Li qawlillahi tabaraka wa ta'ala, à cause de la parole d'Allah, fa idha qara'ta al-Qur'an, si tu veux lire le Coran, fasta'id billah, demande la protection auprès d'Allah, min ash-shaytan ar-rajim, du shaytan lapidé. Donc ici, si on se base sur ce verset, on dira que c'est une obligation. N'est-ce pas? Parce que le Coran, le verset, Allah dit, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ. فَاسْتَعِذْ, فِعْلُ الْأَمْرُ. C'est فِعْلُ الْأَمْرُ, c'est le verbe à l'impératif. Donc ici, c'est un ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à son prophète et à sa communauté. Donc, si on se base sur cela, on dira, خَلَاص. C'est une obligation. Non, istamihaza, wanzor. Hein? Ensuite, mais qu'est-ce qu'il enlève de l'obligation? Parce qu'on a dit que c'est recommandé. Mais le verset montre que c'est obligatoire. N'est-ce pas? Toyib. Wassarifu lil amri anil wujubi, ce qu'il enlève de l'obligation, ma sabata anil nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui est venu de façon authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, annahu qara'a surat al-kawthar, qu'il a lu la surat al-kawthar wa lam yasta'iz, et il n'a pas demandé protection. Il a lu sans la demande de protection. Donc si c'était une obligation, lama fa'alahu, il n'allait pas le faire. N'est-ce pas? Quand nous disons, qui nous clarifie le Coran? Hein? C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous clarifie le Coran, n'est-ce pas? Tayyib. Naam. Donc, ce hadith est rapporté par l'imam Muslim et c'est le hadith de Anas bin Malik. Wa takunu al-isti'azatu, la isti'aza doit se faire sirran, la jahran. Doit se faire en cachette, c'est-à-dire ne pas le faire, ne pas lever la voix, on doit baisser la voix avec la istiaza. C'est-à-dire lorsque tu veux prier, même si c'est une prière à voix haute, auzubillahi minashaitan rajim, tu fais l'istiaza, sirran. On n'a pas dit dans le cœur, on dit sirran. Est-ce qu'on comprend? Assez bas du nas. Solat Zour Maghrib et Solat Zour As, il prie dans le cœur. Wa sunna sirran. Asirru, prier, sir, ça veut dire que tu récites, tu t'entends, mais celui qui est auprès de toi, yasmao et teshwish, il entend les petits bruits, mais il sait que tu récites le Coran. Qu'est-ce que nous on fait? Nakara fi kulubina. On lit dans nos cœurs. Voilà khilafu sunna. C'est le contraire de la sunna. Ça va? On a qu'à bayna kira'ati sirri wa kira'ati al-qalbi. Il y a une différence. Lire dans le cœur et lire en sirr. Ça va? Baisser la voix. Voilà pourquoi les compagnons disaient que souvent, on attendait certains versets lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam y priait. Cela te serait. N'est-ce pas? C'est ce qui est la sunna. Qu'Allah nous préserve. Donc, ici, قال Ibn Qudama fil Mughni. Ibn Qudama, il dit fil Mughni, wa yusirru al-isti'aza. On cache, c'est-à-dire on lit à voix basse al-istihaza, wa la yujharu biha, on ne lit pas à voix haute, la a'lamu fihi khilafan. Ibn Qudama dit dans Mughni que je ne connais pas de divergence à ce sujet. D'abord dans le Mughni, le livre al-Mughni, kitab kabir, c'est un grand livre, et ce livre-là huwa min ahsanil kutubi fil fiqh. Il fait partie de l'un des meilleurs livres dans le fiqh. Comment il fait? Quand il prend une mas'ala, il envoie la parole des mazahib. Il envoie les khilaf. Et ensuite, il dit ce que lui pense que c'est rajih. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, quelqu'un peut étudier le fiqh dans Mazhab al-Maliki, mais ne pas connaître forcément les autres paroles. Ou bien dans Mazhab al-Shafi'i, et ne pas forcément connaître les autres paroles. Mais al-Mughni, il vient avec toutes les paroles. Et ensuite, il rajih. Donc, il dit dans ce livre-là, lorsqu'il est arrivé sur cette masala, il dit, la a'lamu khilafan. Il dit, je ne connais pas de divergence au sujet du fait de réciter al-Istiaza à voix basse. Bafou? Wa amma ibn Rajab, kata ibn Rajab, فقال في فتح الباري ابن رجب يا دين فتح الباري ابن رجب الى فتح الباري qui n'est pas pareil au فتح الباري de l'imam حافظ ابن حجر الاسقلاني. Vous comprenez, lui là فتح الباري aussi ابن رجب فتح الباري لابن رجب ça va. Donc il dit dans son livre فتح الباري وهو قول اكثر اهل العلم. Le fait de dire la istiaza à voix basse, c'est la parole de la majorité des savants. Intaha. Wa lam yunqal. Et c'est pas venu aussi, anin nabi sallallahu alayhi wa sallam al-jahru biha. Venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait l'istiaza à voix, yani à haute voix. Ça va? Donc, qad qadayna ala hadhihi al-mas'ala. N'est-ce pas? Al-qawl sahih. إلا أنا السر ومن جاء سلك يمتنا يجهر بالاستعاذة نطالبه الدليل نريد من هو لبريف في vient il dit استعاذة à haute voix. Vous comprenez? والمأمون المأمون c'est qui? C'est celui qui prie derrière l'imam. يتعوذ. Il fait l'istiaza, il a qara afaqat. Si c'est lui qui lit. C'est-à-dire dans la prière des jours, dans la prière des as, il doit lire. N'est-ce pas? Le ma'moun, celui qui est derrière l'imam. Il doit lire ou pas? Il doit lire sa fatiha. Et une autre surat. N'est-ce pas? Donc lui, il fait istiaza lorsqu'il lit. Mais, si c'est salat ou jahriya, la prière à haute voix, Maghrib, Isha, alors, la yaqra al-istihaza. Il dit pas l'istihaza. Pourquoi? Léanna ta'awuz, ka le ta'awuz lil-kira'a. Demander la protection, istihaza, c'est pour juste la, pour la lecture. Qala, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, non, fala ya ta'awuzu. Il ne fait pas istiaza, il a jahara l'imam. Si l'imam lit à haute voix. Pourquoi? Parce que nous avons vu que la mas'ala, ce qui est sahih, si l'imam lit à haute voix, on l'écoute. N'est-ce pas? Donc si tu l'écoutes, tu fais istiaza, pourquoi? Parce que tu ne lis pas. Donc, فَلَا يَتَعَوَّذُ إِذَا جَهَرَ الْإِمَامِ كَمَا قَالَ إِبْنُ تَيْمِيَّةَ. Comme a dit Ibn Taymiyyah dans Majmou al-Fatawa. Qawluhu est la parole de l'imam al-Shawkani wa ta'minu. Al-Ta'min c'est une sunnah. Al-Ta'minu c'est une... Faut bien t'asseoir. Tu es un enfant? Hein? Al-Ta'minu c'est une sunnah. Al-Ta'minu maman al-Ta'min. Qawlu Amin. Le fait de dire Amin lorsqu'on finit de réciter la Fatiha. Qawlu Amin akhir al-Fatiha. Qala sallallahu alayhi wa sallam, idha ammana al-imam fa amminu. Si l'imam dit Amin, dites aussi Amin. Qawluhu. Donc, le Tamin ici, c'est une sunnah. Ça va? C'est une sunnah. Ce n'est pas le fait de dire Amin après la Fatiha est une sunnah. Maintenant, si l'imam dit Amin, dites Amin. فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Même si on dit c'est une sunnah, celui qui est son Amin c'est-à-dire au moment où il a dit, est tombé conformément au moment où les anges ont dit, Rufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Il lui sera pardonné ses péchés passés. Imagine toutes les prières. Andatuwa fi kuzalik. Allah nous accorde la compréhension. Qawluhu, et sa parole, wa qira'atu ghayr al-fatiha ma'aha. Le fait de lire autre que la fatiha, après la fatiha, est une sunnah. Ce qui veut dire que, si tu pries dans une prière obligatoire, que tu finis de réciter la fatiha dans la première rakat, que tu as oublié, par exemple, de réciter notre surat, il n'y a pas de réparation, parce que c'est une sunna. Ça va? C'est une sunna. Donc, khalas intal maudou, la yusu de sola. Ça va? Donc, faqad sabata fi sahihayni, c'est venu dans les deux authentiques, wa ghayrihima, et autre que les deux authentiques, anna nabi sallam kana yaqra fi rakatayn ulayay, il lisait dans les deux premières rakat bi ummul kitab wa suratay. أم الكتاب السورتين وفي ركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب. Et il disait maintenant dans les deux dernières rakat la fatiha seulement. Et on a vu la masala ici que la fatiha est impliée dans toutes les rakat. Dans toutes les rakat. C'est implié dans toutes les rakat. À cause de la parole du prophète, la salata. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité Fatiha del Kitab. N'a pas récité la Fatiha. Donc ici, réciter la Fatiha dans toutes les rakat est implié. Mais réciter une autre surat après la Fatiha dans les deux premiers rakat est une sunnah. مفهوم قوله إيسا parole la parole de l'imam Shawkani والتشهد الأوسط et le تشهد du milieu c'est quel تشهد تشهد du milieu deux après deux rakat mais c'est pour le milieu pour les salat al-sulasi ou rubai les prières à quatre rakat ou trois rakat tel que Maghrib, 3 rakat, Zuhr As, 4 rakat, Isha, 4 rakat, Amma al-Fajr, il n'y a pas de tashahhud al-awsat. Ça va? Voilà pourquoi la sunnah dans le Fajr, comme on va le voir, il n'y a pas de tawarruk, il y a l'istirash, la manière de s'asseoir. La sunnah, pour les prières à 2 rakat, il n'y a pas de tawarruk. Tawarruk, c'est le fait de mettre le pied gauche juste en bas et s'asseoir par terre. C'est-à-dire mettre ses fesses sur le sol. Mais le iftirash, c'est le fait de d'étaler comme ça le pied et s'asseoir sur le pied et faire le nasp du pied droit. C'est-à-dire dresser le pied droit. C'est ce qu'est iftirash. Dans la prière, à 4 à 4 ou 23 à 4, la sunna c'est tawarruk. Dernier rakat, on s'assoit tawarruk. Mais la prière du rakat, c'est iftirash. Wa sahha an nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, annahu kana la yatawarraq fi salat as-sunaiyah, dans les prières à deux rakat. Ça va? Donc, il faut comprendre cela. Non? Non, dans la prière sur le gâteau pour ceux qui font deux rakat. Non, la sunna, c'est l'iftirash. Ça va? La sunna, pour la prière de rakat. Non, nous avons parlé de cette masala. Qui est Al-Qawl al-Sahih, c'est de ne même pas réciter si l'imam récite à haute voix. On a vu cela ici, n'est-ce pas? On a vu les Aqwal, mais Al-Qawl al-Sahih, c'est de ne pas réciter. Ça va? Sauf dans la prière à Séria, où l'imam récite à voix basse. Tout le monde doit réciter à voix basse. Mais quand à haute voix, l'imam ne peut pas laisser le temps. Parce que la sunna, lorsqu'il finit la fatiha, c'est d'enchaîner avec une autre sourate. Le sakta, le fait de se taire avant de réciter une autre sourate, c'est venu dans plusieurs versions. Mais il y a deux saktas dans la prière. Premier sakta, c'est juste avant de réciter la fatiha. Deuxième sakta, c'est juste avant d'aller en ruku. Ça va? Mais en malfaçon, le fait de mettre une sakta entre la prière et la fatiha et une autre sourate, la miyassir. C'est pas venu de façon authentique. C'est compris? On va voir cela, bismillah, avec les détails. Ma foi? Donc, at-tashahhud al-awsat, le tashahhud du milieu, sabata anhu. Ce tashahhud-là n'est pas une obligation, mais c'est une sunnah. C'est tashahhud al-awsat. Ça va? L'imam Shawkani, il a mis cela dans la sunna. Et Cheikh Ali Ramli l'a suivi dans cela, à cause des preuves. D'abord, si on regarde, sabata anhu anna utaraka sahwa, utaraka usahwan, qu'il a délaissé cela par distraction. Wasajada li sahwa, il a fait sujud de sahwa, sujud de distraction. C'est-à-dire, qabla ou bien ba'da. Bon, toi, walau kana wajiban, si c'était obligatoire, la fa'alahu, même lorsqu'il avait délaissé, lorsqu'on lui disait subhanallah, il devait revenir. Si c'était une obligation. Pour le tashahhud al-awsat. Tashahhud du milieu, c'est-à-dire deux rakats. Quand tu finis deux rakats, le fait de s'asseoir pour faire le tashahhud. C'est une sunna. C'est-à-dire si tu délaisses, tu répares. Non? Non. Mais on a expliqué ici que le Cheikh Ali Ramli, il ne voit pas de différence entre prier. Et Wadji, on a dit ça ici. Ça va? Non. Non. Le truc est que bon, lui, c'est de ce cadre-là. Le cadre, il ne prend pas parce que les individus, les obligations de Dieu, en fait. Non. Non. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il enlève dans les deux obligations? Pas dans l'obligation qui est. Non. Il enlève dans les deux obligations. Il le met dans la sunna. Mais lorsque la personne délaisse, il doit réparer. Ça va? Oui, les sunnans, on répare. On répare les sunnans. Hein? Les sunnans de la prière, on répare. Parce que les sunnans, tels que par exemple, le fait d'oublier, de lever la main, ce sont des sunnans, ce sont des choses qui viennent, ce n'est pas une obligation, mais yakumul swala. Ça complète la prière. Donc, celui qui délaisse cela, il y a un naqs dans sa prière. Donc, il répare cela par quoi? Par ces deux sujouds de distraction. Ça va? Les savants voient que si tu délaisses une sunna par oubli, alors même si tu n'as pas réparé ta prière correcte, contrairement à l'obligation. L'obligation qui n'est pas priée chez certains savants. Est-ce que vous comprenez? Cette sunna-là, si tu oublies, même si tu n'as pas réparé ta prière correcte. Mais l'obligation qui n'est pas priée, si tu oublies, si tu n'as pas réparé ta prière nulle. Mais toutes les sunnans, si tu délaisses sciemment ta prière nulle. C'est compris maintenant? Wade. On va revenir dessus, Inch'Allah. Hein? Qu'Allah nous facilite. Walam yaqtasiru ala sujud. Il ne s'est pas limité au sujud. Walam yuzkar fi hadith al-musi salati fi riwayatihi as-sahiha. Il ne s'est pas venu dans le hadith de celui qui a mal prié. Fayadullu ala sunniyati. Donc cela montre que c'est une sunnah. Tasawwud al-awsat. Wasahul al-faz, ce qui est venu de façon authentique concernant le tashahhud. Le plus authentique des alphas, c'est le hadith d'Ibn Mas'ud, qui vient dans les deux authentiques. قال النووي الإمام النووي دي هو الصح تشهد بالإجماع c'est le plus authentique des تشهد c'est que تشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Alors, c'est ce qui est asah wa tashahud. Sinon, il y a plusieurs types de tashahud, comme Rajaha Sheikh Albani Rahimahullah, il est venu avec tashahud. Par exemple, si tu dis Assalamu alayka, c'est venu dans une riwaya, au lieu de dire Assalamu alayka aywa nabi, tu dis Assalamu ala nabi. Ala nabi. Ça va? C'est venu de façon authentique. Voilà, mushahada fi dhalik, c'est de regarder dans Sahih al-Azkar de Sheikh Albani, rahimahullah, il vient avec ces différents alfons. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Tayyib. Wa taktafi bi hadha, tu te limites à cela. Fi tashawud al-awsat, dans le tashawud du milieu. Min ghayri zikri salat ala nabi, sans faire As-salat ala nabi. Dans les tashahud du milieu, tu te limites seulement à tahiyyatulillah, wa tayyibat wa salawat, assalamu alayka ayyuha an-nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, et tu dis ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tu finis, tu te lèves. Il n'y a pas de salat ala nabi là-bas. Dans l'assise du milieu. Non. Dans le cas l'imam non. Est-ce que tu dois augmenter? Ce n'est pas venu. C'est pas venu de faire quelque chose là-bas. Donc tu finis, tu l'attends. La prière, c'est une adoration tawqifiyya. Ça va? Si on a un test qui montre qu'on doit faire plus que cela, on le fait. S'il n'y a pas de test qui montre qu'on doit faire plus que cela, alors cela n'a pas chez tel que par exemple dans le salat, dans Tahiyat, dans Tashawud al-Akhir, il y a salat à la Nabi, Ibrahimiyya, il y a aussi Adwa, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit, فليتخير ما شاء من الدعاء. Qu'il choisisse ce qu'il veut comme doigt. Donc là-bas, même si tu veux vous t'asseoir, si tu es seul, si tu veux vous t'asseoir une heure, vous faites ton doigt. T'es fini? Dis là ton salam. Voilà que si tu es avec les gens, farafik ma'annas. Hein? Ne sois pas une fitna pour les gens. Ça va? Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mouaz, Ya Mouaz, la takounu fatan. Ne sois pas là, tu fatinu nas. Parce qu'il a allongé les rakats. Donc, c'est comme ça. Naam, Al-Bukhari. Naam. Je veux savoir, pour la dernière rakat. Naam. C'est un endroit où on fait les doigts. Naam. On fait bon à la langue. Là. Ça c'est pas venu. Doigt dans ta langue. Non. Mais faliyata khayyar, qui choisit des doigts en arabe qu'il veut. On parle pas ce nouveau là-bas. Hein? Ni bambara. Non. Donc ici, ensuite il dit, il te suffit au tashahud. Comme c'est l'imam akhrajahu al-Bukhari, à cause de ce que l'imam Bukhari a rapporté, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith est rapporté par Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, allamahum at-tashahud. Il leur a enseigné le tashahud, summa qala lahum. Et il leur a dit, waliyatakhayyar ahaduhum, qu'ils choisissent l'un d'entre vous, minadu'a'i a'jabahu. Des doigts qu'il émerveille. Il est yifayadu'u. Des doigts qu'il aime. Et qu'il invoque Allah. Après, le tashawud al-akhir. Mais Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam les a enseignés ce tashahhud, et c'est ce tashahhud qu'on vient de, on vient de réciter. C'est ce qui est asah, le plus authentique, le tashahhud. Donc il faut apprendre cela. Wal hadith alladhi fihi salat ala nabi fi hadha al mawdi', le hadith qui vient, qui montre que on peut faire salat ala nabi dans cet endroit là, c'est-à-dire dans le tashahhud du milieu, la yassih, ce n'est pas authentique. Qawluhu, et ensuite wal azkaru, et les azkar al waridatu fi kulli rukn, les azkar qui sont venus dans tous les rukn sont des sunan. Minha takbirat al-ruku', tel que takbirat al-ruku', wal-sujud, wal-raf'i, wal-khafd. Ça va? Le takbirat al-ruku', le sujud, wal-raf'i, wal-khafd. Ici, le takbirat qui se dit dans le ruku', le cheikh, je dirais que c'est une sunna. Le sujud, et puis le raf, le fait de s'élever, wal khafdu, et le fait de descendre. Wa qawlu sami Allahu liman hamda, et la parole sami Allahu liman hamda wa fi ruku, le fait de dire subhana rabbiyal azim, dans le sujoud, le fait de dire subhana rabbiyal a'la, bayna sajidatayn, entre les deux sujoud, rabbi ighfirli, rabbi ighfirli, rabbi ighfir, fa hadhihi kulluha sunan, tout cela fait partie des sunan. Naam, tu voulais poser une question? Non. La question c'était, j'ai entendu quelqu'un dire un jour. Non. Le fait de faire les takbir, si on priait sur, non, on peut faire la takbir sans faire sortir la mort. Non. Le fait de faire la takbira sans sortir la voix. Non, tous les hadiths qui viennent à ce sujet, que tu sois imam ou ma'moun, le takbira, tu dois faire sortir la voix. Ça va? Que, non? Même si tu veux prier, si vous êtes deux, par exemple, tu peux ne pas faire sortir la voix, simplement par les gestes. On va arriver sur cela, Inch'Allah. Poser des questions dans le Maoudé, l'endroit où nous sommes. Hein? Ça va être très facile pour qu'on puisse avancer et puis pour plus de compréhension. Qawluhu wal istiksaru min ad-du'a, le fait d'augmenter les invocations bi khayri dunya wal akhirah, en demandant les biens de la dunya et de l'au-delà, bima warada bima lam yarid, de ce qui est venu comme invocation et ce qui n'est pas venu. Ça va? Tu peux même choisir des du'a et faire ces du'a-là. Le qawlihi ta'ala, le qawli sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, amma ruku, quant au ruku, fa'azzimu fihi rabb, c'est-à-dire, immensifier Allah, en disant subhana rabbiyal azim. Wa amma sujoud, quant au sujoud, fa'stashhidu fi du'a, faites des efforts pour les invocations. Ça va? C'est-à-dire, faites des invocations. Ce hadith est rapporté par l'imam muslim, d'après Ibn Abbas. Nam. Non. Non. Ici, le hadith montre que on fait des invocations pour nous-mêmes et pour les autres. Ce qui est venu, ce qui n'est pas venu. Mais à shart, a yakuna bil arabiya. Ça doit être en arabe. À shart. Ça va? Wa qawluhu summa liyatakhayyar min ad-du'a a'jabahu ilayhi. Et ensuite, il choisit des invocations qu'il aime. Wa hadha ba'da tashahhud. Cela, c'est après le tashahhud. Quel tashahhud? Akhir. Dernier tashahhud. Naam. Fa khayyarahu bima sha'a min ad-du'a. Ici, dans le hadith, le prophète Sam l'a demandé de choisir des invocations qu'il veut. Walam yataqayyad ou bishay. Il ne l'a pas restreint par quelque chose. Wa min ad-du'a al-mustahab. Parmi les invocations recommandées, comme le salam, après, avant de lancer la salam, il y a Allahumma inni a'ouzu bika min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnat al-mahya wa mamat wa min sharr fitnat al-masih ad-dajjal. Cette doua vient après Salat Ibrahimiyya. Ça va? Parce que regarde, le prophète Rasam dit qu'il choisisse des doigts qu'il veut. Parmi ses meilleurs doigts, il y a cette invocation qu'on vient de réciter, qui est Allah, inni a'oudhu bika min azab jahannam. Je te demande de me protéger contre le châtiment du feu de l'enfer. Wa min azab al-qabr, et contre le châtiment de la tombe. Wa min fitnat al-mahya, et contre la fitna de la vie. Wa al-mamat, et après la mort. Wa min sharri, et du mauvais. Fitnat al-masih dajjal, de la fitna de Masih dajjal qui va venir à la fin des temps, qui va éprouver beaucoup de personnes. Allah nous préserve de son épreuve. Donc, wa yastahibbu ba'da tashahhud, c'est préférable après tashahhud zikra salat al-ibrahimiyya fi tashahhud al-akhir, de mentionner la prière si la salat al-ibrahimiyya après tashahhud al-akhir. Il dit c'est préférable. Et c'est ce que nous avons vu. N'est-ce pas? Non. Ensuite, il dit sahha fi siyaqiha akthar min hadith. C'est devenu authentique, salat ibrahimiyya, ces différentes formules, plusieurs hadiths bi alfaz mukhtalifa, avec des alfaz, des énonciations différentes. Minha ma akhrajahu shaykhan, parmi ces hadiths, ce qui a été rapporté par les deux sheikhs. C'est qui? Bukhari, Muslim. An Ka'b ibn Ujra, d'après Ka'b ibn Ujra, wa huwa as-sahhu hadith, c'est le plus authentique des hadiths, ruwiya fiha, qui était rapporté à ce sujet, comme les savants l'ont dit, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidul majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc voici le plus authentique de Salat Ibrahimiyya. طيب. Et ça c'est venu dans tous les alfaz de Salat Ibrahimiyya, des Salat. Soit c'est l'autre, soit c'est ceci. Mais هذا هو الصح. الصح. Et par cela, tu sauras l'égarement des Tijanites qui mettent Salat al-Fatih au-dessus de toutes les salats. Pourtant, ce n'est même pas venu dans un seul hadith. Un seul. La yujad. Hein? Non, ça n'annule pas. Si tu as oublié de dire doua dans Roko et que tu as fini la prière, ça n'annule pas ta prière. Parce qu'on a dit que cela fait partie des sunan. Ça va? Non? Il y a un dans la soirée, dans la soirée, il y a d'autres personnes qui ont aussi dans les dents. La yajouz. Sayyidina hada la yasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Là, c'est pas authentique. Non. Donc, ensuite il dit, wa tastahibbu al-ishara bil-usbu'i. Il est préférable de faire ishara, c'est-à-dire d'indiquer comme ça avec le doigt. Fi tashahhud, dans le tashahhud. Indiquer avec le doigt. Ça va? Dans le tashahhud. Duna tahrikiha. Sans remuer, parce que il dépose comme ça. Cheikh Albani rahimahullah, il dit tawajjihu ila al-qibla, tu diriges ta main vers la qibla. Mais on voit, il y a d'autres, tajalunaha kal-mayyit, comme la main morte. Garde Bad al-Hadith. Certains hadiths sont venus à ce sujet-là. Walakin al-Sahih, tu vas dire où, hakada la kibla. Là, il a le tahb. Vous comprenez? Pas en bas. Ensuite, le tahrik. Le fait de remuer comme ça. Walau saha, on remue du haut en bas. Pas comme ça. Ça va? Walau saha. Il y a d'autres qui font même un cercle. Mon, ma fou, il faut comprendre. ولكن الذي نحن عليه فحديث تحريك الاصبع les hadiths qui viennent concernant le fait de bouger le doigt, ce doigt on appelle ça comment? L'index, c'est ça? C'est de bouger l'index. Les hadiths qui viennent au sujet de bouger l'index في تشهد, dans le تشهد, c'est ضعيف. Non, bouger, c'est ضعيف. وهذا regarde Al-Bisharat fi Shujuzi. Il y a un livre qui est écrit par le Cheikh Ahmad ibn Saïd al-Yamani, dont le Cheikh Mukbil a fait le taqdim. Lisez ce livre-là. Il envoie tous ces hadiths-là. Avec les turuqs qui viennent dans ces hadiths, dans la chaîne de transmission, les problèmes qui se trouvent dans les différentes chaînes de transmission, aucun des hadiths n'est authentique. Aucun. Le fait de remuer la main, aucun. Ok? Donc, si on ne doit pas remuer, on fait comment? Al-Ishara. Même si beaucoup de savants ont dit, Cheikh Ousseymine a dit qu'on doit remuer. Ou Rajahada, Cheikh Ibn Baz, Rajahada, beaucoup d'entre les savants ont fait le tardier de cela. ولكن لا يصح فيه شيء. نعم شيخ الباني ما رجع هذا. صلاة؟ أوكي حديث. وهذا هو المعتمد. إيه سيجي المعتمد. بدنا سوي كي تروف كي سي حديث سون أوثنتيك. كي لابورت سي حديث. إيه سي كي راندي أوثنتيك. أه؟ وإلا سي حديث ني سون با أوثنتيك. دونك يبقى اليد هكذا بدون التحريك. Sans bouger. Ma foule? Non. Hein? Non. J'ai dit tout à l'heure, le fait de bouger le doigt, Tariq al-Osbo, il y a une divergence là-dessus. La chaque qui a une divergence sur ce sujet-là. Vous comprenez? Par exemple, Tahrik al-Usbu fi Tashahud, c'est le mazhab de l'imam Shafi'i et puis des Hanabila. Tu comprends? Et Ibn Hazm. Afwan, c'est pas le mazhab de l'imam Shafi'i. Le mazhab de l'imam Shafi'i, la yushra. Il n'est pas permis de faire le tahrik al-usbu. Et aussi, le mazhab de Hanabila. Retenez ici que l'imam Ahmad, ahyanan inda u'iddat aqwal, fi mas'alatin wahid. Parce que, c'était quelqu'un, wallahu asibu, comme les savants disent, c'est quelqu'un qui avait l'ikhlas, et c'est Allah qui sait. Mais là que nous attestons l'ikhlas d'une personne, selon ce que nous voyons, mais nous ne disons pas avec certitude, hein, que lui-là, il est mokhlis, ou bien c'est le plus grand mokhlis. Là, nous ne disons pas cela. Car l'ikhlas est tout dans le cœur. Mais là, qu'il y a des hasards. Nous, on peut se baser sur cela pour dire, l'Allah ou un mokhlis. Parce que, min alamati ikhlas, parmi les signes d'ikhlas que nous avons vu à l'imam Ahmad, et que si une seule masala, il peut avoir 8 paroles. Pourquoi? Il dit cela, lorsqu'on lui apporte la preuve, il quitte dessus, il revient sur cela. Après encore, il quitte sur ça, il revient sur l'autre. Après encore, il revient. Hadalé salidaf. C'est pas la faiblesse de sa science. Lakin, quand il y a blouguni ba'd al-ahadith, c'est un hadith qui peut me parvenir, et c'est un hadith qui ne me parvient pas. Souvent, si j'ai un hadith, Je me base sur ce hadith pour dire que telle chose est légiférée. Mais après, quand je viens trouver que ce hadith est daïf, il y avait un problème dans le isnad, ou bien il y a un autre hadith qui est venu montrer que ce hadith est daïf, je quitte sur ça et je vais sur l'autre. C'est comme ça, était l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullah alayhi. Kana la yastahyi. Il n'avait pas honte de quitter sur son erreur. Là. Et cela vient dans certains shawahid, selon l'imam Ahmad. Fawran, lorsque quelqu'un lui dit au sujet de quelque chose, sur le champ, il quitte dessus. Hakaza kana al-ulama. Wa man ra'aytum. Si vous avez vu quelqu'un, mina al-ulama, on dit qu'il fait partie des savants. Mais il ne revient jamais sur son erreur. Ah, il y a problème. Ou bien, il y a problème. Soit, comme ce que Omar, il a dit à Abu Moussa al-Ashari, il dit la yamna annaka qada, qadaytahu raja'ta fihi nafsak wa ra'yak, an tarja ila al-haq, fa inna al-ruju' ila al-haq khayrun min al-tamaghdi fi al-batil. Il dit à Abu Moussa al-Ashari, Omar, kataba risala. Il a dit à Abu Moussa al-Ashari, il dit, la yamna annaka qada'an qadaytahu raja'ta fi nafsi. Qu'un jugement que tu as donné et que tu as vu que tu étais dans l'erreur dans ce jugement, alors que rien ne t'empêche de revenir à la vérité. Fa inna ar-ruju ila al-haqq khayr. Car retourner à la vérité est meilleur min at-tamadhi fi al-batil. Que de s'entêter dans le faux. Hada kitab Omar. Voilà ce que Omar a dit. Wa kana ba'd as-salaf yaqul. Certains salaf disaient, la an akuna zanaban fi al-haqq khayrun an akuna ra'san fi al-batil. Il disait que je sois la queue. Une queue, c'est-à-dire derrière les gens, dans la vérité, est mieux pour moi qu'être à la tête des gens dans le faux. Hakaza. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous accorde ce noble comportement. Aïwa l'ikhwa. La testahyu mina rujo. N'ayez pas honte de revenir. Hein? Kullu bani Adam. Khatta. Tous les fils d'Adam font des erreurs. Wa khayrul khatta'ina tawabun. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les a décrits comme étant les meilleurs. De ceux qui font les erreurs sont ceux qui se répandent. Amma antatamada. Quand vous faites de t'entêter, en réalité, tu ne fais pas du tort à quelqu'un. Illa binafsik. Et nos savants, ils avaient des shawahid concernant cela. Beaucoup de paroles, des shawahid. Wala alim yurafu bihada. On reconnaît les savants avec cela. On reconnaît. Parce qu'il y a d'autres, même à l'époque des salafs, quelqu'un vient et lui dit, problème entre lui et sa femme, il fait le qada. Après, il y aura du nafsa. Il revient encore sur la masala, il trouve que la femme a raison, il donne raison à la femme. Et quelqu'un lui pose la question, il lui dit, mais si tu vois que l'homme a raison encore, il dit, je lui donne raison. Je n'ai pas honte de revenir. Car nous accorde ce bon comportement. Donc nous allons rentrer maintenant dans Sifatu Salat Nabi Tammatan. Description de la prière du prophète sallam de façon complète. Donc, avant de rentrer dans cela, si tu veux faire la prière, awwalu shay, la première des choses, yusbihu al-musalli al-wudu. Celui qui prie, il doit perfectionner les ablutions. Ensuite, maintenant, yaqoum, suru, lève-toi. Lève-toi. Dirige-toi vers la Qibla. Naam. Lorsqu'on dit se diriger vers la Qibla, si tu ris, s'assois, toi tu te lèves. Ok? Tu vas avoir le mérite, Inch'Allah. Hein? Toi, si tu te diriges maintenant vers la Qibla, tout ton corps doit se diriger vers la Qibla. Tes deux pieds doivent se diriger vers la Qibla. Mais quand vous faites de faire les deux pieds comme ça, fait, voilà, comme ça. Kamanara, comme on voit certaines personnes le faire. Alors, ceux qui nous suivent en direct, ils vont nous excuser. Parce que on va montrer quand même, mais à travers ce qu'on va dire, là, là ils vont comprendre, Inch'Allah. Ici, regarde par exemple. S'arrêter comme ça, mettre l'autre pied à l'est, l'autre pied à l'ouest, hasa, ce n'est pas permis. Même si tu es dans un sauf, hein, tu es dans un sauf, comme ça, hein, oui, il y a d'autres qui font ça, mais, hasa nadir, c'est rare. Si tu es dans un sauf et que tu fais ton pied comme ça, tu mets l'autre à l'est, l'autre à l'ouest, alors est-ce que le sauf, tu pourras coller les chevilles, là. Donc, il dit, Yakoum mutawajjihan ila al-qibla. Il se lève et il se dirige vers la Qibla. Al-Qibla, c'est quoi? Wahia al-Kaaba. C'est la Kaaba. Aïna makana, partout où il se trouve, il se dirige vers la Qibla, bi jamir ibadanihi, avec tout son corps. Tout son corps. Sa tête. Hein? Ses deux pieds, il dirige tout son corps vers la Qibla. Ça va? Qasidan bi qalbihi. Et il prend l'intention dans son cœur, fait la salati, de faire la prière, allati yuriduha, qu'il veut. Min faridatin ou nafila. Comme prière obligatoire ou bien nafila. Fayyib? Tu as compris? Naam. Amen. Naam. Anniya, est-ce que vous pouvez faire un peu de tafsir? Anniya. Naam, anniya, comme on dit qasidan bi qalbi, il prend l'intention dans son cœur, as-salat, fi'l as-salat, de faire la prière, allati yuriduha, qu'il veut, min faridatin aw nafila. La yantiqu bi lisanihi bin niyya. Il ne prononce pas la niyya sur sa langue. Li anna nutqa bi lisani ka prononcer sur la langue ghayr mashru', ce n'est pas légiféré, ce n'est pas permis. Toi, le frère, il a demandé, des détails sur la niyya. Comment se prend l'intention? Comment on prend l'intention? An-niyyatu mahalluha fil qalb. La place de l'intention, c'est dans le cœur. Vous comprenez? C'est dans le cœur. Donc, nouer l'intention dans le cœur, comment cela se fait? Cela se fait directement lorsque tu veux faire la prière dans ton cœur. Déjà, tu sais quelle prière tu veux faire. Adi-niyya. Vous comprenez? Adi-niyya. Par exemple, si quelqu'un te demande quelle prière tu veux prier, Fawran, sans réfléchir, tu lui diras salat. Al-Zuhr, ou l'Asr, ou l'Maghrib. Hadhihi niyya. Mais c'est nouer à l'aqdou, nouer cela dans son cœur. C'est ce qu'on appelle l'intention. Ça va? On ne prononce pas sur la langue, ni essayer de prononcer comme ça dans le cœur. Mahalluha fil qalb. C'est-à-dire, lorsque tu viens t'arrêter, déjà dans ton cœur, tu sais quelle prière tu vas faire. Même si c'est prière surrogatoire, déjà quand tu te déplaces pour aller t'arrêter là-bas, wara ar-rukn, derrière le pilier là, quelle prière tu veux faire? Nafila. Mais lorsque tu viens t'arrêter dans le rang avec l'imam, quelle prière tu veux faire dans ton cœur? Salat farida. Maintenant si c'est zour, c'est maghrib, c'est as, tout cela se trouve dans ton cœur. Wa iman an-niyya. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Quand tu as prononcé dans le cœur, Nawaitu anusolli, là. ونويت أن أصلي على لسان لا أسيس كومبري طيب L'explication de Ania, c'est très facile. Mais le shaitan rentre beaucoup ici. Et il met des doutes. Hein? La personne il vient, il s'arrête, il entend prier Zour. Lui-même il sait qu'il entend prier Zour. Et puis il se pose la question, est-ce que j'ai pris l'intention? Prier que tu entends faire là, c'est quoi? Hein? Hein? Ah, il sait que c'est Zour, mais il se demande s'il a pris l'intention. C'est le shaitan qui veut s'amuser avec toi. Hein? Continue ta prière. Le shaitan, il veut s'amuser. Il y a certains aussi, quand il prend l'ablution, l'intention, hein? Quand il vient pour l'ablution, d'abord, dans ton cœur, qu'est-ce que tu veux faire? C'est tes deux pieds, tes deux mains, tu veux te laver après avoir joué le ballon? Ou bien c'est l'ablution que tu veux prendre dans ton cœur? Hein? C'est l'ablution. Donc, tu es venu t'asseoir, tu es en train de prendre les ablutions. Ou bien? Mais si tu es venu laver seulement ton pied, dans ton cœur, ça c'est déjà là. Ou bien? N'est-ce pas? Mais si tu viens prendre les ablutions, cela c'est tout déjà dans ton cœur. Donc tu vas trouver certaines personnes, ils prennent l'ablution jusqu'à la fin. Et ils se disent, est-ce que j'ai pris intention? Il reprend encore l'ablution. Après encore le shaitan s'amuse avec lui. Est-ce qu'il a pris l'intention? Il y a d'autres qui vont jusqu'à 50 fois. Ils reprennent l'ablution 50 fois. Oui, voilà pourquoi certains d'entre eux, lorsqu'il a posé la question à un savant, il dit, je prends l'ablution. Après encore, je revois mon intention, je vois que mon intention n'était pas sincère. Je reprends encore. Il dit, cher, j'ai pris l'ablution jusqu'à 50 fois. Le chef lui a dit, as-salatu la tajibouali. Il dit, la prière n'est pas obligatoire sur toi. Il dit au chef, limada, pourquoi? Pourquoi la prière n'est pas obligatoire? Et le chef lui dit, Rufi al-Qalam, la plume est levée, Anil Majnoun, sur le fou, jusqu'à ce qu'il trouve la raison. Hein? Alors, Sahi, comment tu peux prendre l'ablution jusqu'à 50 fois? Tu reprends. C'est le shaitan. On appelle ça was-was. Il y a des gens qui sont comme ça. Tu vas prendre l'ablution, tu vas le laisser, la prière va commencer. Il attend toujours prendre l'ablution. Il est toujours dedans. Il prend, il reprend, il prend, il reprend. Donc c'est des waswas, c'est des waswas. Il faut se préserver de cela. D'abord, notre frère il a arrêté. On va faire vite. Hein? Non. Donc, ensuite il dit, le qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yantiqu bin niyya. Il n'a pas prononcé l'intention. Voilà ashabuhu, ni ses compagnons, radiallahu anhum, car les agrès. Ensuite, wayaj'allahu sutra. Et il met une sutra devant lui. Yusolli ilayha. Donc il prie vers la sutra. La sutra, c'est de mettre quelque chose entre lui et la Qibla, c'est ça? Tayyib. Donc ici, qu'il soit un imam ou munfarid. Munfarid, c'est celui qui prie seul. Mais celui qui prie derrière l'imam, on l'appelle Ma'moum. Ça va? Est-ce que le Ma'moum, il met sutra devant lui? Là. Il ne met pas de sutra. Mais l'imam, la sutra de l'imam est la sutra du Ma'moun. Voilà pourquoi le Ma'moun, les gens peuvent passer devant lui. Mais là, ni, c'est pas devant l'imam. L'imam, on passe pas devant lui. Ma faute? Toyib. Maintenant, ici, le cheikh n'a pas parlé de miqdar à sutra. N'a pas parlé de miqdar. C'est-à-dire, la longueur, ni le degré. C'est-à-dire, la largeur, la longueur, hein? Il n'a pas parlé de cela. Wal asahu al-aqwal fi hada, est que la sutra, il n'y a pas de miqdar ma'loum. Vous comprenez? Hatta al-khat, même le trait, c'est une sutra. Le trait que tu mets devant toi, tu traces un trait comme ça. Ah, waja jafi badi riwayat. C'est bien dans certains riwayat, non? Voilà. Non. Lakin al-afdal an yakuna anaza ou le jamal ou bien quelque chose qui est grand ou rukun, c'est ce qu'est le afdal. Lakin si tu n'as pas pu avoir tout cela, hein, même ton téléphone, tu peux déposer devant toi comme la sutra. Wa sutra aydan, la place où on doit mettre la sutra, c'est salasu zarar ou arzo, c'est-à-dire trois coudées. C'est-à-dire lorsque tu t'arrêtes, tu comptes une, deux, trois, et tu déposes la sutra devant toi. Voilà qui, c'est venu dans certains riwayats que le professeur sallam, yadnu mina sutra. Il s'approchait de la sutra pour empêcher que quelqu'un passe devant lui. Vous comprenez? Tayyib. Donc, miqdar sutra, c'est trois coudées. Comme c'est venu dans certains riwayats, c'est trois coudées. Et on place la sutra maintenant devant. Voilà pourquoi certains savants disent que si quelqu'un passe devant toi après trois coudées, lâchez Fizalik. Il n'y a rien dans cela. Mais s'il passe avant les trois coudées, alors Fadafé, repousse-le. S'il revient encore, tu le repousses. S'il revient troisième fois, si tu peux, tu lui donnes un coup de poing. Hein? Ah! Si je positionne, ça va chauffer. Hein? Mais, lakin, cela veut dire qu'il faut le combattre maintenant. Parce que le professeur Al-Sahar me dit, il est comme Shaitan. Car il veut te distraire de ta prière. Sinon, si tu le repousses une fois, il a compris. Deux fois, il a compris, mais troisième fois, ça c'est quoi? Ça c'est provocation. N'est-ce pas? Non. Là, c'est pas parti de là où on se procède. Là où on se procède, si on a encore compté trois coudées, c'est que tu avais déposé sous trois là devant toi, loin là-bas. C'est à partir d'ici. Ça va? Et la cheville, on compte trois coudées. Ça va? C'est pas parti des pointes, c'est à partir de la cheville. Hein? J'ai une question concernant la première sous trois. Un animal, le chien noir, détruit la prière. La femme aussi, pubère. Une femme pubère passe devant toi, reprend ta prière. Ta prière est nulle. Un chien aussi, le chien noir passe devant toi, reprend. Non? Si c'est au-delà de la sutra, la chair est fusée. C'est entre la sutra et l'homme. Alors, la sutra est mise pour ne pas que quelqu'un vienne détruire la prière. Mais si c'est après la sutra, la chair est visée avec. Il n'y a pas de problème à ce sujet. Ça va? Non. Non. Oui. Quant aux autres, c'est pas venu que ça a détruit la prière. Non? Hein? Non. Hein? Fais vite, le monsieur là il a arrêté. Il dit quand tu mets une chaise là, c'est là il dit qu'il y a plus d'eau le billet. Non. Non. Oui. Non. Les compagnons s'arrêtaient derrière des piliers. Et aussi, certains mettaient le bâton comme ça, à la assa. Ils plantaient le assa, comme ça, tout droit. Ça va? Voilà qu'un amarouf, indahoum. Ça va? Il mettait aussi quelque chose devant, tel que les chamelles et autres. Mais voilà qu'il n'est pas venu, comme je viens de dire, de façon authentique, un miqdar qui est connu. Quelque chose devant toi, afin de te barrer. Même le khat, même le trait, il y a du hal. Cela est permis. Donc, ici maintenant, nous continuons. Ensuite, il dit « Wa istiqbalul qibla ». Il se dirige vers la Qibla. Se diriger vers la Qibla, shartun fi salah. C'est une condition dans la prière. Illa fi masail mustasnat, sauf dans les masail d'exception. Ma'louma, qui est connu, muwaddiha, et qui est clair, fi kutubi ahli al-ilm, dans les livres des gens des sciences. Tel que par exemple, as-salatu an-nafila al-dabba, prier la prière surrogatoire sur une monture. Alors, le charte, c'est que tu te diriges vers la Qibla, et maintenant, la prière maintenant, même s'il se dirige comme ça, de l'autre côté, la basse. Mais, si tu veux faire la prière, d'abord tu te diriges vers la Qibla. Dans la prière, surrogatoire sur une monture. Comme a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et la prière aussi obligatoire dans un moment de difficulté, les savants y permettent cela. Ça va? Tel que par exemple, quelqu'un qui est en voyage, il est dans un car, ou bien il est dans un avion, il est dans un bus, tout cela, manan wahid, et que l'heure de la prière arrive, et qu'il sait qu'il ne pourra pas descendre, il ne pourra pas descendre pour prier, et avoir la prière à l'heure. L'heure de la prière va passer, alors, haza yusolli ala hali, il prie selon sa situation. S'il peut s'arrêter au milieu des chaises pour prier, fa binama, mais s'il ne peut pas s'arrêter, il s'assoit pour prier. Allah dit fattakullaha ma satatum. Fattakullaha ma satatum. Et surtout, l'heure de la prière, c'est important. Ça va? C'est important de ne pas laisser l'heure de la prière passer. Ma femme? Non. Ensuite, il dit wa yukabbir takbirat al-ihram. Et il lance maintenant le takbira al-ihram, qailan, en disant Allahu Akbar. Quand il dit cela, naziran bibasori, en regardant, si on est par son regard, il a mahalli sujoudi, l'endroit où il fait le sujoud. Ça va? Fawa akrabu li tahqiq, car il est plus proche pour concrétiser al-khushu, qui est l'humilité dans la prière, wa illam yasifi hadith, même si il n'y a pas hadith qui est venu de façon authentique à ce sujet-là. C'est-à-dire, il lance le takbir comme nam. Premièrement, il lance haswa al-mankibay. Il essaie de lancer. Nam. Lakin, la yudam, il colle pas ses doigts. Moftarishan. Il sépare les doigts comme ça. Pas collé, comme certaines personnes. Ils font le dom, comme ça, là. Muftarishan, bain al-asabi. Ici, c'est hazwa al-mankibay. Ça va? Ou bien hazwa uzunayn. C'est-à-dire au niveau des deux épaules, ou bien au niveau des deux oreilles, comme ça. Au niveau des deux oreilles. Ça va? Tayyib. Donc ici, وَيَرْفَ يَدَيْهِ لَتَكْبِيرُ. Il lève la main lors du takbir, حَزْوَ مَنْكِبَيْهِ أَوْ إِلَى أُزْنَيْهِ. Et on a déjà vu cela. وَيَكُونُ الرَّفْعُ الْيَدَيْنِ مَا تَكْبِيرُ. Mais ici, le رَفْعُ الْيَدَيْنِ, le fait de lever la main, peut être avec le takbir, ou bien après le takbir, ou bien avant le takbir. Kullu hadha soha, c'est venu. Par exemple, lance le takbir et soulève la main. Voilà, ça c'est après le takbir, n'est-ce pas? Lance le takbir au moment où tu soulèves la main. Ça c'est au même moment. Ça va? Maintenant, soulève la main et après tu lances le takbir. Donc ça, c'est venu maintenant, à quel moment? Après. Ces trois endroits sont permis, comme le cheikh il le dit ici. Vous comprenez? C'est-à-dire, yakunu rafu al-yadayn ma takbir, avec le takbir, ou qablahu, ou ba'da, ou bien après. Al-amru wasi'. C'est large à ce sujet. Kullu sahhat bihi al-akhbar. Toutes ces manières de faire, c'est venu. Mais est-ce que seulement c'est dans Takbiratul Ihram ou bien c'est dans les autres mouvements qu'on peut le faire? Non, pas seulement dans Takbiratul Ihram. Dans les autres mouvements aussi. C'est-à-dire dans le mouvement d'aller en ruku. On peut faire avant, c'est-à-dire de lancer le takbir, on soulève comme ça, ou bien après avoir lancé, qu'on entraîne les descendre, on fait le takbir. C'est compris? Dans les autres moments aussi. Ensuite, wayada'u, et il pose maintenant yadei, ses deux mains à la sodrihi, sur sa poitrine, ou asfalamin dalik, ou bien bas, plus bas que cela, fal amru wasi, c'est-à-dire mets d'abord sur ta poitrine. Où est la poitrine? Hein? Mets sur la poitrine. Hein? Nazor da, là, comme ça. Tu mets là, la paume. Droite, c'est là. C'est le dos de la paume gauche. C'est-à-dire comme ça, sur ta poitrine. Wasoha haza. Waja'a haza. Ça va? Et c'est venu aussi, tu attrapes le coude. Comme ça. Ça va? Donc ces trois manières-là sont venues. Ou bien tu descends plus que cela. Tu fais comme ça. Ça va? Non. Ou bien tu descends même plus que cela. Wakulu haza. Wase. Ça va? La mushahada fizalik. Il n'y a pas de mushahada. Ça va? Pas de, on ne doit pas se tirer sur ça. L'imada, car le cheikh il va dire ici. Walam yasihu fi shay. Rien n'est venu de façon authentique si wa wadal yumna ala yusra. En dehors du fait de poser la main gauche sur la main droite. Sinon, en dehors de cela, déposer sur la poitrine, descendre, ou bien aller au niveau du nombril, tout cela, rien n'est venu de façon authentique. Les hadiths qui viennent au sujet de poser la main sur la poitrine dans la prière, alors la majorité, tous ces hadiths-là sont doivent. Ça va? Ni aussi les hadiths qui viennent comme ça, déposer en bas du nombril. Alors, d'autres savants disent que c'est les hadiths les plus authentiques. Voilà qui c'est venu de certains asars. Ça va? C'est venu de certains asars. Wa al-qawl wa fi zalika, c'est large à ce sujet, c'est-à-dire, il n'y a pas de problème si une personne a mis sur la poitrine ou bien en bas de la poitrine. C'est compris? Taïb. Ensuite, wa yusannu, il est autorisé, tu peux t'asseoir. Après, on va faire le reste. Wa yusannu, an yaqra'a, il est légiféré ou c'est une sunna qui lise doa ou l'istifta, l'invocation de l'ouverture. C'est-à-dire, après avoir lancé le takbir, en regardant, il a maudé au sujoud, maintenant c'est une sunna de réciter sur un doa à l'istifta qu'on appelle Atawa Djo. Atawa Djo. Ça va? Toyib, le doa ici, il peut dire Allahumma ba'id. Allah éloigne. Baini wa baina khataya. Entre moi et mes erreurs. Kama ba'atta baina al-mashriqi wal-maghrib. Comme tu as éloigné entre le couchant et le levant. Allahumma, oh Allah, naqini, Allah nettoie-moi. Min al-khataya, de mes péchés. Kama yunaqqas-sawbu. Comme on nettoie le vêtement, al-abiyad qui est blanc, minad-danas des souillures. Allahumma ghsil khataya, Allah lave mes erreurs, bil-ma'i, avec de l'eau, wassalji, et de la grêle, wal-baradi, et de la graisse. Et à point 2, on appelle ça comment? La grêle et puis la neige. La neige, al-barat, c'est la neige. Ça va? Donc, voici l'invocation d'Ou l'Istifta wa Inshita. Maintenant, si tu veux, tu dis wa Insha'a qala badalan anzalik. S'il veut, il dit الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة si veut Allahumma ba'id bayna bayni wa bayna khataya si veut il laisse cela et il fait cette invocation qui est facile Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kathiran c'est-à-dire Allahu Akbar Allah est plus grand kabiran dans toute sa grandeur walhamdulillahi kathiran et la louange beaucoup de louanges appartiennent à Allah wa subhanallah et que la pureté soit sur Allah bukuratan matin wa asila et le soir s'il veut il dit cela ou bien s'il veut il dit alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi alhamdulillah la louange à Allah hamdan d'une louange kathiran beaucoup tayyiban de bonnes louanges mubarakan fi et béni donc wa in ata bi ghayriha et s'il vient avec d'autres invocations min al adiyati sabita parmi les invocations authentiques ani nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hada les invocations qui viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet fala ba'sa il n'y a pas de problème wal afdal mais ce qui est meilleur an yafal hada taratan qui fasse cette invocation souvent wa hada taratan et l'autre souvent et qu'il fasse l'autre souvent. C'est-à-dire, il ne doit pas venir avec toutes les invocations de Istiftah. S'il veut, il fait une invocation aujourd'hui, demain il fait une autre, après demain il fait une autre. Li anna zalika akmal fitiba, car cela est plus complet dans le suivi. Ça va? Car si tu prends un seulement, tu auras délaissé les autres. Alors que les autres sont authentiques. Ça va? Donc souvent il faut faire cela, souvent il faut faire cela. Summa yaqul, ensuite il dit, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ensuite il finit, il fait l'istiada, et on a vu qu'il n'y a pas un sira qui est venu de façon spécifique pour dire que le prophète s'en faisait c'est istiada. Dans la prière, c'est-à-dire, ce qui est authentique, tu le fais. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ سورة الفاتحة ensuite il lit la sourate al-fatiha ويقول بعدها et il dit après آمين آمين écoutez bien il y a certains frères آمين on n'est pas آمين là le A tamoud tu tires A Min. Ça va? Hein? Et à haute voix. Mais Amin. Hein? Hada, ce n'est même pas Asira. Hein? Hamin. Non. C'est pas Ha. C'est pas Ha. C'est Amin. Hein? Zifa, c'est Amin, ok? Taïb. La sunna, c'est de le faire au moment où les autres le font. Et ça se fait à quel moment? Après le tamin. C'est-à-dire dès que l'imam commence son tamin, les autres suivent. On ne commence pas avant l'imam, ni au même moment que l'imam. On doit attendre d'abord le tamin de l'imam. Quand il commence à vous, comme vous faites pour vous en même temps. Hein? Ça vient dans certains moments. Wa faqa ta'minahu, ta'min al-malaika. Wa ta'min al-malaika, wa faqa ta'min, imam. Ça va? L'imam, quand il dit amin, les gens aussi disent amin. Donc, ceux qui sont derrière doivent dire amin. Mais c'est au même moment, c'est-à-dire un peu après le Amin, c'est-à-dire dès que l'imam commence à, vous venez avec votre Amin. Ça va? Mais ça vient dans d'autres riwayas, après le Tamin de l'imam. Dès que l'imam finit le Tamin, vous faites votre Tamin. Voilà que le Cheikh Albani a très bien expliqué cela, dans ce sens-là. Mafoum? Ensuite, ويقول آمين جهرا في صلاة الجهرية Il dit à haute voix dans la prière à haute voix. Mais dans la prière à voix basse. Il dit Amine comment? À voix basse. Hein? Summa yaqra'a tayassara min al-Qur'an. Ensuite il lit ce qui est facile pour lui dans le Coran. Hein? Il lit ce qui est facile pour lui dans le Coran. Ma tayassara min al-Qur'an. C'est-à-dire les sourates qui sont plus faciles pour lui, il lit. Même si c'est Kulhu Allah seulement il connaît. Il prie avec cela tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein? N'est pas dit ce que tu connais pas. Maintenant après tu apprends les autres. Ça va? Naam. Wadihi as-sunnah. Voici la sunnah. Donc nous allons nous arrêter ici. Bismillah. Tabaraka wa ta'ala. Et nous allons continuer dans Sifatu Salat la semaine prochaine. Inch'Allah. Détailler Sifatu Salat ala Nabi. Et bismillah. S'il y a des explications à donner, plus d'explications, Inch'Allah, nous allons donner avec les autres livres. Bismillah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.